I know you sacrificed for me to go to all these really good schools like my entire life, and but I really feel like God's like leading me to be a musician. Miata didn't expect a positive reaction, but she was surprised. And she didn't freak out. Like, not only did she not freak out, she's been really supportive. In fact, her mother just continued on helping her find resources. She's being a scientist about it, really. Like, okay, like, this is all the research we need to do. Like, these are the things you need to do. Like, she's just being very organized, and that's who she is, so. But where Miata's mother is a planner, Miata's philosophy is more, God tells you where to be, you show up and work. And so far, putting her faith in God is working. She'd just spent a few months in Los Angeles getting vocal training. The results were encouraging. At the end of the evaluation, she was like, well, the good news is you didn't come out here for nothing. Like, you are singing way under your capacity. Her coach taught her how to really sing from her diaphragm. I'm kind of relearning how to sing my own songs, because before it'd be like, okay, I want it to sound really powerful, so I need to, like, press the pedal to the gas, like, just gun it, right? And now, to get that same effect, it's like 60% of the effort. I recently saw Miata play a set on piano and guitar at the Vieux Carré in downtown St. Paul. It was a mellow Saturday night and the crowd was thin. Patrons sipped their drinks, ordered gumbo and Sazeracs, and clapped respectfully. A triple date of 40-something black professionals sat in the corner, and they were digging the show. But when Miata launched into Black Girl Magic, I saw them, especially the women, light up. They knew exactly what she was saying. So if you're thin or thick or poor or rich, or they call you a bitch, I'm talking to y'all. If you're loud or shy, whether you read or write, if you're dark or light, I'm talking to y'all. If you're young or old, for KFAI, I'm Zan Holston. The telling I'll get told, I'm talking to y'all. If you're on tiptoe, we're dropping it low. I got no rhythm to show. I'm talking to y'all, cause we got Black Girl Magic. Thanks, Zan. Why not take KFAI's mini culture wherever you go? Our podcast features 8 compelling episodes, perfect for streaming anywhere. Look for KFAI's mini culture podcast on iTunes or Stitcher. Support for mini culture is made possible by the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. To Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air, Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM St. Paul, Radio Sans Frontières. Vous écoutez Bonjour Minnesota. Alors, bonsoir Adrien. Bonsoir. Et Romain. Bonsoir. Et nous avons ce soir, tonight, we have a great guest, Robert Dorfman, for the recent children's theater production of Bleu Nancy. Bonsoir, Minnesota. Bonsoir. Et so, this is a great pleasure to have this preschool style, French inspired type of play? Is it? Yes. It's a play for preschoolers. Mm-hmm. The Children's Theater has 2 playing spaces. They do Broadway size productions on the main stage, and they keep this smaller theater for special theater for the 4-year-olds and younger. And the piece we're doing is a 30 minute silent piece that was inspired by the French film La Ballon Rouge. The Red Balloon. And I'm sure a lot of your viewers have seen that movie. Mm-hmm. About a young boy who is befriended by a large red balloon and the adventures that befall it. Well, the conceit of balloonacy is that this is many, many, many years later, and the young boy is an old man now, and for whatever reason, he's been leading a solitary life, and it is his birthday. And on this particular birthday, the balloon flies back into the window and seeks to befriend him again. And he and his friend the balloon go through all the machinations of friendship and play, abandonment, sadness, and eventually in the end they're reunited and they become the great friends that they were in the movie. Like true friendship, it's always there. That's right. Mm-hmm. But I think as you grow older, sometimes you forget what's valuable in life. And this is a great awakening. And it's presented to children who are at the age where they believe what they see. They're not quite editing out yet. Mm-hmm. So the grace and the power of the balloon and the belief in that character and the relationship with the old man is mind-boggling. And I'm very blessed to be part of it. For our listeners, you told us about the musical score. Could you tell us about this music? Yes, the music as well as the mise-en-scene is French. I mean, the original movie, I think, was filmed in Belleville. And it has the Annie Rollins' sets and Victor Zupanc's music is reminiscent of that place and time. Lots of accordion, lots of schmaltz. Mm-hmm. And there is a soundscape as well that gives life to the reactions of the balloon and myself. But yeah, as you walk into the theater, the little toddlers come through a little alleyway that has a cart with flowers and a bicyclette and French-style street lamps. And it takes place on the set of a little home that you would find in Belleville, I suppose, or any small area of Paris. It's colorful. It's a little shanty. And looking out the window from which the balloon goes in and out, there's another little building across the street with a colorful door and just what you'd expect from a small Paris neighborhood. Before we were on the air, we were talking for a bit. We're very fortunate to have you here because of your Broadway experience. Well, the fortune is all mine. So, Romain, you said so you starred in The Lion King. That's right. The Lion King has been going on for I think I just got an invitation to the 20th anniversary. And you know that the trial run of The Lion King was in Minneapolis. That's right. It was. Yeah. I think it was in 97 the summer of 1997. That's correct. And the great director, Julie Taymor, great puppeteer, I had done a small film with her first film a few years earlier. And as a result, we became acquaintances, I would say friends. And when the role opened up in the third year of the show, she asked me to go into the show, and I did it for a year. Played Zazu, the majordomo. And that had an equal joy because our audience was primarily children, and children who had seen the movie and knew every moment of it. And they, I did too. Oh, yes. Even though I was not a child anymore. You saw it in New York. Yeah, and so apparently it was in 2000 that I saw it, so you were... on stage. I was in it in 1999 into 2000. Yeah. Yes. Oh, really? You saw me. You must remember of me. Course. Yeah. Yes. When I saw you, I said, "Well, he looks like Zazu." Yes. I used to have to paint my head blue. He was a blue bird, and it took me years to get the blue out of my ears. Yeah. But it was a great play. It was hard to do. It's very physical, lots of puppets. But it's a beautiful show, and it's still running. Yep. So the performance it's running, is it running now until November 12th? Yes. It's now through November 12th. From Tuesday to Fridays, we have 10:30 matinees in the morning. Mm-hmm. And on Saturday and Sunday, we have three shows from 11 to 4, so... We get more families on the weekends, which is nice, too. During the week, we get a lot of schools. It sounds like that, like an interactive experience going into the theater. Well, the wonderful thing about the Cargill at the Children's Theater is it's a theater reserved specifically for theater for young people. And so the audience is set up so that the children come sit on mats down front, right next to the stage. The parents sit in the back. So there's a great communal feeling among the children. I mean, if they walk on stage, so be it. They own the space. And because of that, you get this united, the best word is communal. They come in together, they react to the same things, they shout. There's one moment late in the play where I'm a little angry about something that the balloon does. I take it a little too seriously and I kick him out. And then I realize too late that I didn't want to do that, and I get very sad. I start to cry. And the things that the children, one little girl the other day, she stood up in the middle of the auditorium and she told me, "Just go to sleep. Everything will be better in the morning." No. It's just such a beautiful exchange. Their joy and their reactions are so pure. And unconditioned, yeah, too. It's beautiful. You mentioned, I asked about your theater training, and could you tell me about your experience and how you got into theater? Yes. When I was a young man, in my 20th year, I applied to and got accepted into Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus School, Clown School. And I went through their program and I graduated, and they invited me onto the show, and I toured with Ringling Brothers as a circus clown for a year. And I honed my clown skills there. And when I got out of the circus, which was also a very difficult life, although exhilarating, because you're playing sometimes for 10, sometimes 20,000 people. So you learn the value of a well-placed gesture, how to do something that can make 5,000 people laugh at once. It's quite empowering. But it also makes your life a little big, you know. Mm-hmm. You're at dinner and you shout, "Would you pass the salt?" You know. So afterwards, I booked myself into Stanislavski Acting Studio and learned how to act for the serious stage. But clowning is in my soul. So when I get the opportunity to clown in good company, I always say yes. The Children's Theater Company is they just do beautiful things. And the artistic director who directed this play, Peter Brocious, he's has an amazing energy and knowledge, not only of what's funny, but what is funny to children and what children need and crave, and how we can entertain them and educate them. And it's thrilling to work with him in that theater. But I've also worked with the Flying Karamazov brothers and a lot of the Nouvelle clowns over the years. So I've had the best of both worlds. Yeah. Shall we listen to some Aznavour? Oh, let's yes. take a little music detour here with Charles Aznavour with Le Cabotin. Le Cabotin, oui, oui. قويك هرقيسة طبعا الله مستعان قولوا رجل تشوتولة أي رقوقات كويرة يلا عكس تبا لا تشينا عن أي بيش وكنت تبر برقية بيبو أي قوطو وحولتك يبوها يمشى بان يسيبون في سدقان وحنا عرفك على مكي والله واري ضريادي ما أنت قبلوا ما شيء غير في بلي أمو قوي دبل وحيقنا صوبين كده على سليمان كده Je suis né pour jouer. Tenez-moi très tôt, minable et sans chaleur, je vais me surpasser. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur, mais j'ai ça dans le sang. Donnez-moi quatre planches et quelques spectateurs, et j'aurai du talent dans une pièce de trois murs, à ventre ouvert sur le public, tout comme au bord d'un gouffre obscur, avec mon trac, avec mes tics, je viens donner la comédie, vibrant d'un feu qui brûle en moi, je parle, je pleure et je ris, et vis mon rôle. Sans comprendre mon cœur, suis un cabotin. Dans toute sa splendeur, la Seine est mon espace. Ma vie commence alors que je vois le décor, que j'entends les trois coups. Et je suis malgré moi pris de peur et de joie quand le rideau se lève. Là, mon cœur bat si fort que je frôle la mort et que j'en oublie tout. Mais au moment exact, je fais le premier pas pour entrer dans mon rêve. Dans toute sa splendeur, j'ai choisi mon destin. Donnez-moi 10 répliques et quelques projecteurs, vous verrez mes moyens. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur et c'est toute ma vie. Donnez-moi un théâtre, un rôle à ma hauteur, et j'aurai du génie, sous un maquillage savant ou le visage à découvert, emphatique ou discrètement, je dis la prose ou bien les vers, avec tendresse, avec fureur, selon la pièce et puis l'emploi. Je souffre, je vis ou je meurs et mens jusqu'à ce que j'y crois. Soit dit sans vanité, je connais ma valeur et si pour vous peut-être, je suis un cabotin dans toute sa splendeur, je reste fier de l'être. À Broadway, ça swing comme un melon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y a les chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. À Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, à grands coups d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. All right. What was that? Et voilà. C'était quoi? Donc, c'était Charles Aznavour. On a écouté le cabotin et ensuite la Java de Broadway. Robert, la Java à Broadway. À Broadway. Yes, Aznavour's song, le cabotin, I don't think there's really a term for that, but it's that usually it refers to a mediocre actor who, I think that there's a term like hammy. Yes. Yes. Who really likes like Why to show off? Why are you looking off. At me when you say? Oh, that? Yeah. Because we were talking about that before we were on the air, and I would never do that. And 1967, and the second one was Broadway's Java by Michel Sardou, and from like the late 70s, early 80s, I believe. Yeah. Definitely had that sound. Yes. Beautiful. Voilà, donc Robert, do you enjoy music also? I mean, you obviously you have a lot of talents and your formation. So how did you learn and do you really like also express yourself sometimes through music? Well, I sing and I started my career actually right after clowning. I was sort of tired of smelling like an elephant. So my next job was learning and teaching ballroom dancing. So for years I was a ballroom dancer, a competition ballroom dancer. Oh, wow. So when I got into the legitimate theater, I started as a dancer and I learned to sing, you know, like The Lion King is a musical, mm-hmm. but I've done a bunch of musicals over the years. But yes, I love music. I love modern music. I love Broadway music. Mm-hmm. I love rock music, pop music. Yeah. Okay. Very nice. But it's lovely to be in a position where the proper thing is to talk about myself. It's nice. Could you tell me about how you got to meet Marcel Marceau? Yes. you know, when I was a young actor before Clown College, as an older teen, there was something about comedy and mime that intrigued me, and I was born and lived most of my adult life in New York City, and Marcel Marceau would come every year to City Center and do his BIP concert, and I never missed it. And he was in his prime, not that he ever lost his prime, but it's when he was really limber and cutting edge. So I carried that with me when I became a student in the Clown College. And while we were in Florida, in Sarasota, Florida, where the school was, one day they said, we're all going to see Marcel Marceau. This was a little later in his career. And afterwards, he's granted us an audience backstage. So, of course, we did go to see the concert, and he was spectacular. I mean, you know, Bibbs, a man trying to get out of a box. It's such a simple idea, but it goes through every manifestation of frustration and joy and fear and the grace of the man. And then he was gracious enough to meet us, all us budding clowns afterwards. And, you know, my heart pounded. And he signed my program, BIP. Huh. Yes. Did he speak to you? Yes, okay. He did. It was not just miming? No, he didn't. He didn't. No, that's interesting. No, he didn't feel he had to be mute. Yeah. You know that he's the only speaking character in Mel Brooks' Mel Brooks movie. Silent yes, film, we were just talking about that the uh-huh. other day. Uh-huh. Hysterical. Uh-huh. Yes. And so... just to get back to the actual show, yeah, the Lunacy. How did the idea of adapting that 1956 French film into a play that targets primarily a young audience? Well, that was, of course, in the hands of our award-winning playwright. The scenario was written by Barry Kornhauser. And he's a man of a certain generation. I think he grew up with the Red Balloon and the idea of it. And he writes primarily for young audiences. And he, like so many, were inspired by the story of the Red Balloon. And he riffed off of that. And we did workshops of him. We developed it under his guidance. And I think he was just curious. What if? What about the boy? What did he grow mm-hmm. up to be? Yeah. What did he learn from that? Because mm-hmm. at the end of the movie, he just, not giving it away, but he just flies off with all these wonderful balloons. And you never really know what happens afterwards. Mm-hmm. And I was always curious. So I think that's what inspired him, you know. And there's a great, and for the theater, it's a great challenge. You know, in film, you could do a lot of special effects. But what's great about the Children's Theater Company in Minnesota is how acute and imaginative and well-resourced their company is in making stage magic. Mm-hmm. So the balloon and I play hide and seek. We play, he pops out a door and he comes back in through the microwave, you know. It's it takes six or seven people to put on this one person mm-hmm. show. So I think he was also interested in seeing how a movie idea would manifest itself on stage. Mm-hmm. Yeah. Well, fantastic. So we invite our listeners to go to visit the childrenstheater.org yes. website. That's right. In order to get tickets. And running through November 12th. And you don't have to be a preschooler. Do you have to be a preschooler to see? No. I mean, it's the joy of being an adult in a room with preschoolers or who are moving as one is a show in itself. I recommend it to anybody who wants to have their heart light. All right. We thank you, Robert Dorfman, unless we have other questions. And we know that there'll be other productions that you'll be welcome to join us again for our listeners. Merci beaucoup for inviting me. Thank you. Thank you. Thank you, Robert. À très bientôt. Merci. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com.

Cher bourgeon de mer, l'effet l'effet du hasard. L'effet du hasard ne le retiendra. Ne le retiendra. Parfois trop ardent. Parfois trop ardent. L'éternelité. L'éternelité. C'était quoi ça? Alors, on a écouté, Dana, on a écouté Star My Name, qui chantait Danse avec moi automne, mais aussi Marie Laforêt, Les Vendanges de l'amour. Donc, les Vendanges, c'est la saison parfaite. Et ensuite. Et l'amour, c'est toujours la saison. T'as bien raison, t'as bien raison. Et ensuite, Ezekiel Pell. On a écouté Octobre de son album Tout va bien, et ensuite Éternel été et Promesse. Bien. Et c'est un DJ à Paris, compositeur, producteur, on dit ça? Oui. Alors, ce qui m'intéressait, what I was most interested about is looking for something that just came out this year, a new DJ I never heard of or music I hadn't heard of. But he was producing music as early as 2003 with Nicholas Sfântescu, and they are known from Radio Nova because mm-hmm. they would have this excellent curated radio show with soundtracks from films, and they're heavily influenced by that, like Robert Dorfman was talking about the soundscape and just the feeling of the music and that they're going to have in their play, but the soundscape of cinema. So they had great, their group together was called Nose when they're working together. And I want to play the song Saint, followed by another song by Ezekiel Pai. Ezekiel. Here we go with Nose with Saint. Ça s'écrit N-O-Z-E. Avec un accent circonflexe. Oui. Merci mes amis. On y va. Thank you. pied sur le comptoir. Pas envie de croire que tu vas m'avoir. Impossible d'oublier ton parfum et ta robe qui voyait mon chagrin. Tu as su me toucher les raisins, toujours enlacé et même embrassé. Inutile de me le répéter, et même pas la peine d'essayer. T'as posé ton pied sur le comptoir, pas envie de croire que tu vas m'avoir. Cedar Cultural Center and Mshale, the African Community Newspaper, present Habib Kwatye and Bamada on Sunday, October 29th. Guitarist Habib Kwatye brings a Pan-Malian approach to the traditional dansa rhythm. Tickets and more information at thecedar.org. We'll be right back. Il automne pas craquant sous un ciel pourpré doré sur les jardins dénudés se reflète en transparence des brumes d'automne rouillées. Tablier, l'automne l'automne, qui l'automne. Et l'automne à pas furtif, à pas feutré, à pas craquant. Et sur nos nuits de mi-novembre, miraculeux, mon amour. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol le dauphin. Si mi la ré, si mi la ré, si sol le dauphin. Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la la la la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. C'était quoi ça? Ok, alors on a écouté Nose avec Saint, et Ezekiel Pell, Matin, et ensuite deux chansons de Barbara, Il Automne et une petite cantate. So how does that translate? A little song? Cantate, opera song? Is that? Mm-hmm. What do you think, Romain? Well, cantate, like a sonata. I mean, it's not a sonata, otherwise it would be called a sonata, but it's a musical piece. And cantata. A cantata. Yes. Okay. Voilà. That's what it is. And automne is, well, automne, but she turned it into a verb. So he autumns, which doesn't mean anything. And that's the beauty of music and songs. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et vous écoutez Bonjour Minnesota. Et Romain et Adrien, vous avez parlé de... There's a spectacle in Paris where... Yes. Which can sound a little bit surprising, but Gérard Depardieu. En novembre, et il a déjà fait le CD est sorti, et aussi... Surprenant que cela puisse paraître, il chante Barbara. Et il y a donc on vient d'écouter. Voilà, un spectacle qui apparemment n'est pas encore sold out, mais bientôt, au Cirque d'hiver à Paris, plusieurs dates où Gérard Depardieu chante Barbara. Il paraît que c'est superbe. Il fait tout. Il fait tout, même la cuisine. Le vin, ouais. Ouais. Surtout le vin. Ah, oui. Il le boit. Eh oui. Il le fait aussi. Il le fait, bien sûr. Oui. Fait les vendanges. Alors. On parlait un petit peu de Netflix aussi. Hein. Ouais, on tu disais qu'il que quand on a eu l'occasion de voir deux, trois nouveautés françaises, dont certains spectacles avec Gad Elmaleh, Gone Wild, très très connu en France, bien sûr. Et, que nous avions vu ici. Qu'on a vu ici au Cedar. Cedar Riverside Theater, live, Gad Elmaleh, et Foresty Party. Et aussi le prénom, so I believe it must be the first name, if it's translated on Netflix, and it has Patrick Bruel is also playing in this play. Awesome, so there's great opportunities to see French films streaming at your house. Films and voilà. TV series. Mm-hmm. You said on Hulu or something. Yeah, on Netflix. Hulu. On Hulu also there is Un Village Français, a French village that's a drama about resistance during World War II. Mm-hmm. It's really well done. Cool, great opportunities. So we go back to a little bit of music, comme c'est mardi, toujours, bonjour Minnesota, ce n'est jamais dimanche, mais il y a des chansons qui sont dimanche dans le titre pour vos références quand vous êtes dans le week-end. On y va. Ça approche très vite. Pourquoi pas? Demain, c'est Hump Day. Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée. Il n'y a pas des chansons... mardi, on peut trouver un jour peut-être, mais on a des chansons de Jacques Prévert, Félix Leclerc et Francis Lamarck. On y va. Allez. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. Et la statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Ceux qui disent que les dimanches sont jours d'ennui, d'espoir qui flanche, n'en ont jamais mal dans le dos, pour n'avoir pas besoin de repos. Ces jours de semaine qu'on paie les comptes, qu'on se lève tôt et qu'on a honte de n'avancer qu'à pas de chat dans un métier qu'on n'aime pas. Mais c'est dimanche que s'arrêtent ceux qui ont pain et amitié. Ceux qui n'ont rien regardent couler le son des cloches sur les toits. Ces jours de semaine que les enfants dans des cahiers, apprennent, combien y a de toi dans une douzaine, combien vieillir, c'est dégoûtant. Mais c'est dimanche que Tijan va voir Marie, sa souveraine, en complet bleu, c'est le seul temps qu'il tourne dos à la semaine. Ces jours de semaine que l'on enterre ses morts, ses rêves et ses folies. Ces jours de semaine que les bandits pillent les banques et tuent leurs frères. Ces jours de semaine qu'on pousse porte, qu'on offre bras, idées, talents, qu'on se fait bafouer et qu'on rapporte plaies aux épaules, plaies en dedans. Mais c'est dimanche qu'on s'arrête comme dans le creux vert d'une baie, et qu'on enlève son collier pour oublier qu'on est des bêtes. L'assassin du dimanche n'est pas bien dangereux. Il met sa chemise blanche pour tuer le temps comme il peut. Quand il se paye des rengaines sur une machine à sous, c'est un peu de sa semaine qui fout le camp par petits bouts. L'assassin du dimanche s'en va au tir forain, casser des pipes blanches, et ça lui fait du bien. Ou sur une pellicule se fait tirer pour la vie son portrait bien ridicule pour offrir à ses amis. L'assassin du dimanche se fait descendre un jour par une flèche blanche que lui tire l'amour. Il fait valser sous les branches du côté de Robinson une fille en robe blanche au son d'un accordéon. L'assassin du dimanche ne fait plus que rêver à tous les beaux dimanches qu'il ne veut plus tuer. L'assassin du dimanche devient un amoureux, amoureux des dimanches, des beaux dimanches à deux. Oh, what was that amazing? La nostalgie du dimanche. C'était, alors, on a écouté Jacques Prévert, Dimanche, Félix Leclerc, Les Dimanches, et Francis Lemarque, L'Assassin du Dimanche. J'aime bien. J'aime bien. C'était sympa. J'adore, ouais. Ah, c'est sympa, les assassins le dimanche, ils sont sympas que pendant la semaine. C'est comme les clowns, c'est un peu le cirque, une petite valse, et voilà. We had Robert Dorfman here, so it just sort of like closed, just made a yeah. Close the circle. Loop. Perfect. I think the show can be over now. Yeah. No, it's not ready yet. No, this is just launch. Restez avec nous. Ça lance le ballon, right? Oui, c'est vrai. What's going on what's coming up at the Alliance Française and around town? Alors, à l'Alliance, on a le 23, donc deux événements. Le premier, c'est Business News from France Seminar. And that will be in the morning, le matin, 8 to 10. There is a fee for this event. And on Thursday, there's the apéro de la rentrée. Ah oui, voilà. Avec des crêpes et un bon moyen pour les francophones et francophiles de se retrouver, de discuter autour d'un verre et surtout d'une bonne crêpe. Et là également, il y a un droit d'entrée, il me semble, mais minimal. Anything else? Tout à fait. Et ensuite, un côté un peu plus économique, il y a la Chambre de commerce également qui fait jeudi, qui a un événement, le rendez-vous du jeudi, introduction au droit international et sur les impôts. Donc pour droit fiscal international. Droit fiscal international. Merci Romain. Et je t'en prie. Anytime. Et donc, voilà. Et donc il y aura aussi un fee pour participer à cet événement. We have Monday, October 23rd. There's the European refugee crisis with Christiane Taubira at the Cowell Auditorium at the Humphrey School of Public Affairs. She served on France's Minister of Justice for 4 years under President François Hollande, and she stepped down over a growing rift with Hollande and Prime Minister Manuel Valls, in particular over proposed measures to strip French citizens involved in terrorist acts of their nationality. So she just wrote a new book, Murmur à la Jeunesse, and it addresses the events that led to her resignation. So the presentation will be in French with English translation, free and open to the public. Sponsored by the Department of French and Italian at the University of Minnesota. Ah, oui, oui, oui. October 23rd from 1 to 2:30. Mm-hmm. What else do we have? Les crêpes, ça a l'air d'être sympa aussi. Ah oui, hein? Oui, oui. Ça, c'est intéressant. C'est les crêpes quand? Ce sera... jeudi soir. Jeudi soir. L'apéro de la rentrée dont je parlais voilà. Tout à l'heure. Back to school apéro. Yes. Bien. Voilà. Yeah. Crêpe party. Crêpe, yeah. Très bien. On va y aller. Et on va poster sur... It will be posted on the Facebook oui. page as well. Did we have anything else intéressant? Intéressant pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a comme cuisine en France pour l'automne? Quand vous pensez à quand il commence à faire froid... Un bon bœuf bourguignon? Eh oui, ah, ça, mais il n'y a pas de saison pour le bœuf bourguignon, voyons. Ça arrive. Non, tu es un poète. Il n'y a pas de saison pour le bœuf bourguignon. C'est voilà. Formidable. Ça rime, c'est parfait. You heard it here. Et donc, écoute, je ne suis pas sûr, tu me prends un peu au dépourvu, je préparerai pour la semaine prochaine la recette. Quand on pense, quand je pense à l'été, on pense peut-être à un ricard d'or, voilà, un ouais, rosé tout à fait. Avec du bœuf ou de rôti en été. Mm-hmm. Mais comme nous sommes en automne, oui. Et ce n'est pas le Beaujolais nouveau encore. Pas encore. Ah, qu'est-ce qu'on non. boit on et qu'est-ce qu'on encore. Mange? On boit, ben, ça dépend où on est aussi, hein, bien sûr. Je veux dire, dans le sud, ils boivent toujours du rosé là, en ce moment, puisque bon, il fait encore 20 degrés dehors. Mais à Paris, s'il fait un peu frais, ou vers Lille, je pense que ce serait plutôt la ficelle. La ficelle, donc, c'est une bouteille de rouge. Et puis, il y a une tradition dans les bistrots, c'est qu'ils prenaient une ficelle. Et une fois qu'on avait fini la bouteille, ou qu'on n'avait pas fini, mais juste entamé, ils mettaient une ficelle à l'intérieur pour voir combien il y avait, comme ça, combien il restait de vin dans la bouteille pour savoir combien il fallait que les clients payent. Donc ça se fait encore beaucoup dans les petits bistrots parisiens. Mm-hmm. Ah, la ficelle. La ficelle. I never knew of that. Oui, c'est une traduction assez ancienne. Bah, si on finit la bouteille, on ne connaît pas hein, le système de la ficelle. Bien sûr. Je me demande s'ils ont ça. Il y a un petit bistrot qui s'appelle Paul Bert dans le 11e où ils ont une clune le jeudi soir. Ben ouais. Il y a une clune et des magiciens aussi. Mm-hmm. Je me demande. Ah. J'adore ces petites. Des bistrots, des petits restaurants. Mm-hmm. Ouais, ça c'est l'automne. Ça c'est l'automne. Et aussi, je pensais justement à une recette qui est assez facile à faire. On peut faire. Bon, c'est un peu international, mais on peut faire en cette saison des spaghettis avec du gorgonzola, si on aime le gorgonzola, mm-hmm. et de la citrouille. So it's pumpkin, gorgonzola, pasta. What kind of pasta do you use? I like it with spaghetti linguine. Mais c'est au choix, hein. C'est au mm-hmm. choix vraiment, hein. Sont tes origines italiennes qui, voilà, qui c'est un peu la région. Moi, je suis du sud, donc j'ai vraiment une influence italienne au niveau culinaire. Est-ce que les Français utilisent les citrouilles dans la cuisine, like, souvent, ou ça, c'est récemment? Du potiron, des soupes de potiron, ouais. Ouais, mm-hmm. Ça se fait, en, bien sûr, on en hiver. On utilise beaucoup aussi, beaucoup, les graines. Ils utilisent les graines de... Ou squash. Oui, or... la courge. Courge. Mm-hmm. Ouais, on utilise tout en France. C'est vrai que, contrairement aux États-Unis, où vraiment il y a une abondance grâce au climat, la cuisine française est vraiment basée sur comment travailler les produits pour pouvoir créer quelque chose de goûteux, de nouveau. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment c'est grâce à ça qu'on a une grande variété culinaire. Bien. Merci. Merci, chef. Il faut emmener des recettes la semaine prochaine. Bring me some recipes next week. And we'll bring pans and knives and everything we need to cook in the studio. A cooking show. Yeah. Okay. Should we have a little return? On va retourner aux chansons de dimanche. Allez. Ah oui, oui. Allez. On se fait plaisir. When you can't stand that Monday is coming, we can just go directly to Sunday just afternoon on Tuesday. On y va avec une chanson qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Enrico Macias. Les millionnaires de dimanche. Oh, yes. On y va. On y va. Le dimanche on est bien, c'est la trêve. Et les voitures font de la route un train plein de rêves. Si ce jour-là on fait moins attention aux dépenses, c'est que l'on a avec soi des millions d'espérances. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dans les cafés, les joueurs de tiercé se dépêche. Au bord de l'eau, on s'en va déjeuner et l'on pêche. Si les forêts ne sont que des buissons en kermesse, c'est que l'on fait ce jour-là provision de tendresse. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font une baraque en planche, un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dès que le soir a fini d'allumer les étoiles, c'est le départ, la fin d'une journée agréable. Tout en parlant du dimanche suivant, chacun pense que c'est bien court de ne vivre qu'un jour d'insouciance. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Je t'aime, ou mieux, je t'aimerai longtemps, ou mieux encore, je t'aimerai toujours, ou de mieux en mieux, je meurs d'amour. On les respecte pour qu'elles ne soient pas effrayées. On se casse la tête à trouver des mots clés, mais elles ne comprennent pas toujours et l'on dort seul avec son dernier mot d'amour. Qu'est-ce qu'on s'emmerde le quand il s'agit pour nous de leur prouver qu'elles sont jolies, qu'elles ont de la branche, de douces mains, de petits pieds. Qu'est-ce qu'on s'emmerde le dimanche quand il s'agit de les ensorcelé. On s'habille comme des lords, super costume et tout. La panoplie du parfait gentilhomme. On met le paquet, on met la gomme pour compléter le bluff. Un carnet de chèques tout neuf. On se casse la tête à trouver des gadgets. Mais elles ne comprennent pas toujours et l'on dort seul avec son dernier mot d'amour. Qu'est-ce qu'on s'emmerde le dimanche quand il s'agit pour nous de persuader Marie-Hélène ou Marie-Blanche qu'on va les prendre à la télé. Qu'est-ce qu'on s'emmerde le dimanche quand il s'agit de les ensorceler. Qu'est-ce qu'on s'emmerde pour nous de décrocher un oiseau rare, une paire de hanches, une paire de mains, une paire de pieds. Qu'est-ce qu'on s'emmerde le dimanche quand il s'agit pour nous de rigoler. Usted necesita de nosotros y nosotros necesitamos de usted. Sea un voluntario aquí en la radio KFI. Visite el enlace kfi.org/volunteer. Regístrese para la orientación de voluntarios que pasan el primero jueves de cada mes a las 6:30 de la noche y encuentre tu puesto en la radio hoy. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Bécon les Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il suffisait que le dieu de l'amour les fît se rencontrer. Cette rencontre eut lieu d'un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, puis son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une lampe qui était pas dans sa manche. Si bien qu'il invita la gentille d'Aquilon à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir. Mais son cœur battait très fort dans son corsage, elle lui jura de le revoir. Ils se revirent toute la belle saison, un merle m'a conté. On ne voyait que sous les frondaisons, et même qu'elle a fauté. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle a fait sa robe blanche, puis son knickerbocker à carreaux. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur sur les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il, c'est pas le moment plus flanche. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Pour que l'enfant ait un père, le père étant un homme sensé, ne trouva rien de mieux que d'épouser la mère, c'est rien mais fallait y penser. Il n'y pensa que 15 ans plus tard, c'est pour cette raison-là. Le jour des noces, on vit leur moutard qui dansait la java. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Dans une cabane en planche, on baptise au printemps Caboulot.

les dimanches. We'll be right back. was that? C'était quoi ça? Alors, Jacques Dutronc, l'opportuniste. Jack of the trunk. Or Indochina, Indochine. Indochine, l'aventurier. Voilà. Donc, on est revenu. Aventurier, c'est. Yeah, the adventure. Culte. Culte des années 80. Voilà. Et Indochine reviennent d'ailleurs avec leur album 13 qui vient de sortir il y a peut-être 2 ou 3 semaines et qui a battu des records de vente. Ah ouais, mm-hmm. Vente. Oh, wow. C'est leur 13e album ou c'est juste non, c'est leur symbolique. 13e album. Ok. Oui. Ok. Wow. We'll be right back after these announcements. What do you love about KFAI? What's your favorite show on the station? We want to know. Call and tell us everything you love about Fresh Air Community Radio, and you may hear your voice on the air. Take the next step now and call our listener response line at 612-293-9485. That's 612-293-9485. Thanks for listening, and we can't wait to hear from you. Programming on KFAI is supported by the Minnesota Spokesman Recorder newspaper. The Minnesota Spokesman Recorder has served Minnesota's African American community with original news, stories, and information for over 82 years. In addition to news and stories, the MSR includes opinion pieces, sports, entertainment, obituaries, wedding and birth announcements, and more. Subscription information is available at 612-827-4021. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir, une ombre est venue qui m'a dit « Écoute un peu plus ». Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu la voix du silence? Je m'en suis allé promener. Se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais la voix du silence. Et depuis j'ai vu des gens. À tout vent et qui discourait sans parler, qui entendait sans écouter, en composant des chants que nulle voix n'a jamais repris. Et leur cri ouvre la voie du silence. Les hommes ne voient plus les fleurs. De peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour enfin tu comprendras, tu m'entendras crier les mots du silence. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Programming is supported by the Cedar Cultural Center presenting Inti Illimani 50th Anniversary Tour on Thursday, October 19th. The Latin American folk legends will be joined by Los Llaneros, who will be celebrating their 40th year touring the globe. Tickets and more information at thecedar.org. Twin Cities, join us for KFAI's fundraiser fashion show, The Purple Ones 2, a Prince-inspired fashion show on Saturday, October 21st at Can-Can Wonderland. 10 local Twin Cities designers will be showing their Prince-inspired fashion and judged by 7 Twin Cities luminaries, who will crown a winner. This evening is sure to be a hit with the Prince-inspired drink menu, Prince Nachos, and special performances, including DJ Daddy Rocks of Rare Productions. Saturday, October 21st at Can-Can Wonderland, 755 Prior Avenue in St. Paul. Tickets for the Purple Ones 2 are available now at eventbrite.com and kfai.org. We'll be right back. problème est entièrement dans ta tête, me dit-elle. La réponse est facile si tu prends ça logiquement. J'aimerais bien t'aider dans ta lutte pour être libre. Y a sûrement 30 manières de quitter une fille. Elle me dit, c'est pas mon habitude de m'imposer. Et j'espère que ce que je vais te dire ne sera pas mal interprété. Mais enfin je me répète, au risque d'être un peu direct, y a sûrement 30 manières de quitter une fille. 30 manières de quitter une fille. Tu te faufiles par derrière, Pierre. Change tout tes plans aux gens. Il faut pas que tu aies trac, Jack. Pense pas et va-t'en. Aussi elle te colle, Paul. En besoin, tu discutes plus. Tu sautes dans un tax, Max. Pense pas et va-t'en. Tu te faufiles par derrière, Pierre. Change tout tes plans aux gens. Il faut pas que tu aies trac, Jack. Pense pas et va-t'en. Si elle te colle, Paul, pas besoin que tu discutes plus. Tu sautes dans un tax, Max. Ne pense pas et va-t'en. Elle me dit, ça m'ennuie tellement de te voir souffrir. Je voudrais pouvoir faire quelque chose qui te redonnerait le sourire. Je lui dis, je suis très touché. Mais voudrais-tu m'expliquer encore les 30 manières? Elle me dit dans mon là-dessus cette nuit tous les deux. Et je suis sûr que demain matin ce sera déjà plus lumineux. Puis elle m'a embrassé. Et je me suis dit c'est pas la peine de s'angoisser. Y a sûrement 30 manières de quitter une fille. 30 manières de quitter une fille. Tu te faufiles par derrière, Pierre. Change tous tes plans aux gens. Il faut pas que tu aies le trac, Jack. Pense pas et va-t'en. Aussi elle te colle, Paul. En besoin tu discutes plus. Tu sautes dans un tax, Max. Pense pas et va-t'en. Tu faufiles par derrière, Pierre. Change tous tes plans aux gens. Il faut pas que tu aies le trac, Jack. Pense pas et va-t'en. Aussi elle te colle, Paul. En besoin tu discutes plus. Tu sautes dans un tax, Max. Ne pense pas et va-t'en. Wow, ça c'était quelque chose. C'était qui? Richard Anthony. Ah oui, avant. Mais... Non, c'était Michel. Michel Delpech. Et Michel Delpech. La dernière. Mais avant, on a écouté Richard Anthony. On a écouté La Voix du Silence. Et ensuite, 30 manières de quitter une fille. So, 30 ways to. Well, 50 ways to leave your lover. Simon Garfunkel. Yeah. Okay. Oui, en France. Well, can do it in English. In France, apparently, there's 20 30. Fewer oh, yeah. ways to leave your lover than in the United States. Because the French version was 30 ways to, to leave your girlfriend, whereas here it's 50 ways to leave your lover. So I think we need to like analyze the song more to figure out where the culture. Yes. We do need to do a cultural analysis of the two songs. Yeah, yeah. See where those 20 are missing. Yeah. After a comparative literature, comparative law, there was a comparative song study. Yeah. Yep. Yeah, so. And then we need to blog about it. Yeah. And let's talk to the University of Minnesota to see if they could create an entire department for that. C'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Okay. Et ensuite, donc, Michel Delpech. On a écouté. What shall we listen 30 to? 30 manières de quitter une fille. Oui. Mm-hmm. Okay. On s'est bien amusé. We think it's Sunday here. Bah avec oui. toutes les chansons de it's dimanche. Not. Well, yes, it is. Et puis, l'automne qui est là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chanson? Pourquoi pas un peu de... le discret... qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi pas une chanson sur la vendange qui s'appelle... Le vendange, on y va. Super. Allons-y.